Il est question de cinéma, de triangle amoureux, de popcorn, de virage numérique, de Pulp Fiction, mais surtout d'authenticité. À l'affiche, récipiendaire du prix Pulitzer 2014. Un texte d'Annie Baker dans une traduction et une mise en scène d'Angélique Patterson. Du 25 février au 14 mars au Théâtre Premier Acte. Pour plus d'informations, visitez premieracte.ca. Bonsoir les amateurs de musique, vous êtes à l'émission Terra Incognita de 22h à minuit et vous êtes accompagné de Bruno Côté comme d'habitude à la mise en onde et France Carrier et Jean-François Lamarre à l'animation. Je vais parler tantôt. Oui, parce que là pour l'instant on a des invités, on a Simon Caron de Red Sand et Perry Angelino également de Red Sand à la batterie et Simon à la guitare. Salut tout le monde. Oui, eh bien, c'est drôle un petit peu de se revoir si rapidement parce que l'année passée, au mois d'avril, on était là pour parler de ton nouvel album qui s'appelle Forsaken. Oui. Et là, ben il y en a encore un nouveau. Oui. Là, c'est l'album Crush the Seed. Crush the Seed. Oui. Et d'ailleurs, on va en entendre une pièce tantôt, mais ça va vite, vos affaires. Ça va très vite. Simon, il est incroyable. Il est productif. C'est fou. Ah oui. Puis c'est toujours toi qui écris ça. Ouais, mais depuis deux albums, c'est ma fille qui compose les paroles, puis ça me soulage, ça me permet d'aller plus vite pour faire mes tunes. Mais elle fait des beaux textes en plus. Ben oui, mais Simon, tu nous as habitués à des textes assez à caractère social et souvent, je dirais, assez sévères là, sur la société. Oui, ma fille a pris la relève comme il faut. Elle est aussi sévère que moi sur ce qu'elle voit de l'environnement, là, de ce que les gens dégagent. Puis on dirait que ça remplit d'année en année. Là. Fait que, ça dirait que les gens, ça s'améliore pas. Oh, ça, oui, on pourrait en parler longtemps. Ouais, c'est ça. Mais les thèmes de ce nouveau disque, c'est quoi? C'est un petit peu la... Je pourrais expliquer ça. La folie de l'homme envers tout. On parle des animaux, on parle de la femme, on parle de tout. Ouais. C'est un petit peu ça. La folie de l'homme, tu sais. Ça part de... Tu vois, la pièce qu'on va entendre, ça parle de Hitler, là, qui est complètement un personnage complètement fucké, déréglé. Puis c'est pour ça. Ça va, c'est comme ça tout le long de l'album. C'est des pièces à caractère. C'est un concept aussi, hein, l'album. C'est ça. Conceptuel. Là, l'homme qui détruit la Terre, dans le fond. C'est ça. Exact. Oui, c'est complètement d'actualité. Oui. Ah oui. Et pour ça, Crush the Seed, il écrase la graine, dans le fond. Tout ce qui est semence, tout ce qui est vital, tout ce qui est... Il la détruit facilement, puis il s'en soucie pas. Là. Donc, on pourrait écouter cette pièce-là là, qui s'appelle « Where They Born Like That ouais. ». Donc, on va écouter ça à l'instant, puis on revient après. Thank you. C'est beau cette pièce-là. Merci. Et ben moi, j'ai trouvé qu'il y avait une guitare bluesée là-dedans. Je trouve ça un petit peu différent. Même, bon là, on est ici, là, mais si j'avais entendu ça, il me semble que j'aurais pas deviné que ça aurait ça. C'était voulu un peu. Déconnecter un petit peu du son qui nous était associé souvent à Marillion. Ouais, je pense qu'on n'est plus là, là. On n'est plus là du tout. Il y avait le premier là, Mirror of Insanity ouais, là, qui était axé beaucoup sur Marillion. Oui, beaucoup, mais après ça, je pense que vous avez pris. On a commencé à déconnecter pas mal, mais les gens nous associent tout le temps, mais là, ils peuvent pas, c'est impossible. Je dirais, tu me diras si je me trompe, là, mais pour moi, il y avait un petit côté Pink Floyd là-dedans. Oui, oui, beaucoup. Oui, oui. Ben, David Gilmour, c'est un de mes préférés, sinon mon préféré. En fait, là, tu t'es payé à traite. C'est ça. Tout l'album me suis payé à traite, je pense. On parlait tantôt, ça fait quand même 16 ans là, que le groupe existe. Oui. Ben, j'ai regardé mes notes l'année passée. Oui, c'est 16 ans. Oui, c'est 16 ans. Ouais. 2004. Ouais. Ben, 16 ans. Et ben, il y avait un public dans ce temps-là. Il y en a encore plus aujourd'hui. Notre public n'est surtout pas au Québec, ça c'est sûr. Parce que à chaque fois qu'on joue à Québec, c'est une déception à chaque fois. Fait que nous autres, dans le fond, on fait toujours un show préparatoire pour s'en aller en Europe. Okay. On s'impose un spectacle à Québec, mais on n'a pas le choix. Parce qu'on veut être prêt pour là-bas. Parce que là, vous êtes en concert bientôt. Oui, on s'en va en Europe pour 6 concerts. On joue 3 soirs en Allemagne. On joue à Rüsselsheim, on joue à Berlin, à Oxford Festival. On joue aussi aux Pays-Bas, à Paris, c'est ouais, ça? Oui, Pays-Bas, T-Block. Ouais. Après ça, 2 soirs en Pologne. Mais il n'y avait pas un concert à Québec? Oui, on a un à l'Antibar le 15 mars avant de partir, justement, c'est ça. OK. Puis l'album, il sort quand? Le 26. Le 26 mars. Ouais. On va sortir en Europe. Je le garde pour l'Europe, c'est ça. Ben oui. On va écouter une pièce de Anecdoten qui, ouais, c'est très qui bon. Sera au festival Terra Incognita. Pour moi, Anecdoten, ça a été comme le renouveau là, au début des années 90. J'étais un fan de prog. Là, moi aussi, j'adore ce band. 18 novembre 1994. Ben oui. C'est la première fois qu'on a vu Anecdoten à Québec. Et, en fait, je les connaissais depuis l'année d'avant, mais j'étais tellement heureux de voir ça. Et ben là, ils vont être encore dans nos murs là, au mois de mai. On va en parler plus longuement tantôt avec France quand on fait la revue des concerts. Okay. Mais pour l'instant, un extrait de V-Mode qui est pour moi un album extraordinaire. Là. On va entendre la pièce Karelia. Thank you. Donc, c'était Anecdoten, un extrait de V-Mode. Et, ben, je pense que ça fait l'unanimité un peu ici, là. Simon, ouais, toi, ben, tu connaissais. Oui, c'est excellent. C'est excellente pièce. Et Perret, lui, il va aller s'informer un peu. Ouais. Donc, ils seront au Centre d'Arles-la-Chapelle. On en parlera plus longuement. Et ben, pour revenir à Red Sand, vous faites beaucoup de voyages là, présentement. Là. Puis l'année passée, je pense que ça a été un gros succès aussi. Oui, Art Rock Festival était fort. Ben, c'était notre deuxième prestation, puis c'était la première à Perry. Je vais laisser un peu Perry parler de son... Ah, ben en fait, moi j'étais dans le band. En tout cas, ça va être long à expliquer, là, mais bref, j'étais dans le band au début, les quatre premiers albums. Je suis revenu remplacer le batteur, finalement, l'année passée. Puis la chimie était incroyable. Puis j'ai retrouvé mon pote Simon. Puis je sais pas, Simon, qu'est-ce que tu veux rajouter? Non, ben, c'est ça que je voulais dire. Ouais, mais moi, ce que j'ai, ce que tu as vécu là-bas. Ah, ce que j'ai vécu là-bas, ouais, c'est incroyable. Je te disais tantôt, on n'était pas en onde. Puis je parlais justement du. Le monde sont très fanatiques, des maniaques de prog. Ils achètent des t-shirts, ils achètent des CD, ils viennent nous parler, ils sont vraiment passionnés, puis c'est une très belle expérience, autant sur le stage que après le spectacle aussi, là, de rencontrer des gens, puis très très très très belle expérience, vraiment, ouais. Puis ils connaissent les pièces, ils connaissent bien le groupe. Ah oui, ils connaissent les pièces en plus, oui. En plus, c'est ça. C'est le fun, ils chantent des pièces, puis ça frappe des mains. Mm. C'est un petit peu différent d'ici. Puis aussi, ce qui est le fun cette année, c'est que c'est nous autres qui clôture le samedi soir. Fait que c'est le gros soir. C'est nous autres qui fait la fermeture du samedi soir. Ça, c'est un festival? Oui. Art Rock Festival, c'est le... Ah oui, j'ai bien connu. À Ratchenbach, là. Mm-hmm. Puis c'est ça, on clôture après juste notre troisième fois. Fait qu'on est vraiment contents. On clôture le samedi. Ah, vous êtes le headliner. Headliner du samedi soir. Wow! Il y a Carl Palmer, je pense, qui headline... c'est 3 ou 4 soirs. Je pense, Lui, headline, je pense, jeudi ou dimanche, je sais pas trop. Ouais. Fait qu'on est vraiment content de ça. Là. Ça fait une belle consécration. Oui, oui. Mais toi, Perry, c'était ta première expérience l'an dernier. L'an dernier, oui, oui. Est-ce que vous sentez qu'il y a d'autres groupes québécois aussi? Est-ce qu'on vous en parle? Comme Mystery, là, qui fait un malheur un peu partout. Huis, ça va bien. Madriade avait bien performé aussi. Oui. Il y a eu... Carsius aussi, qui s'est distingué là-bas, qui a été très apprécié. Est-ce que vous sentez ça? Est-ce que vous sentez on sent une belle vibe du Canada là-bas. Là. On sent que ça, les gens apprécient des bandes canadiens. Un petit peu comme nous autres. Moi, on aime bien les bandes Non, j'aime les groupes québécois, mais je pense que ça paraît. Mais moi, j'ai toujours aimé les groupes scandinaves. Oui. Puis pour moi, ben quand il apparaît un nouveau groupe scandinave, ben il bénéficie un petit peu du préjugé favorable. Est-ce que vous sentez un peu ça? Oui, c'est la même chose pour nous autres là-bas. Ouais. Quand ils se présentent d'autres groupes, ils bénéficient de la même chose. Ouais. Mais c'est bien beau de faire des concerts, mais quand on va visiter l'Europe, qui est un continent fantastique, avez-vous le temps de visiter un petit peu? Ma grosse déception, puis Perry aussi, c'est de ne pas avoir le temps d'aller aux Pays-Bas pour visiter. Parce qu'on joue le 28 à Berlin, on joue le 29 aux Pays-Bas, puis on joue le 31 en Pologne. Fait qu'on n'a pas le temps. On va avoir du temps en Pologne, oui, mais on n'aura pas le temps aux Pays-Bas. J'aurais aimé ça visiter des Pays-Bas. En Pologne, ça va être à Poznan? Poznan, puis une autre place, je ne me rappelle pas le nom. Je ne me souviens pas du nom non plus. C'est tellement des noms pas communs, là, que je ne sais pas. C'est pas Katowice. Ça va bien. Ça se peut. Il y a eu tellement de concerts enregistrés là. Je sais qu'il y a une grosse scène progressive là, à Katowice. Es-tu capable de chercher ça vite, Barry? Oui, oui. Je m'en sers. On ne sait même pas où on s'en va. On s'en va en Europe. C'est ça. Le temps que tu cherches ça, on va aller à la pause publicité, puis on revient tout de suite après. Ouais. Il y a des bons groupes au Hard Rock. À Belgans, comme on dit. Oui, ben France, elle disait qu'il y avait des bons groupes. Art Rock, oui. Mm-hmm. Entre autres. Ben. À Belgans, qu'on a vu. Ah, Belgans, oui. Nous autres, en partant, je ne sais pas si on peut continuer à parler, c'est-tu correct, oui. Ce qui devait arriver, on devait ouvrir pour Colin Bass en Pologne, puis tout ça. Ah oui. Mais Colin Bass a tout cancellé sa tournée. Fait que là, on s'est ramassé plus de date. Fait que là, il nous a proposé de jouer avec Mystery un doublé. Okay. À deux soirs en Pologne. Mais à la base, j'étais pas d'ouvrir pour Colin Bass. Ah, ben c'est un bel artiste. C'était le fun, ça. Ben oui. Bassiste de Camel. Ben oui. Ben oui. On va aller à la publicité. Oui. OK. C'est KRL. Québec. Rosemary McComeau jette les premières bases de son mini-album à venir l'automne prochain en levant le voile sur l'extrait « Une envolée de ptérodactyles ». Une envolée de ptérodactyles dans mon estomac à chaque fois que je te vois. Avec une pincée d'humour et une approche folk lumineuse, elle aborde le sentiment amoureux à son plus fort, au point où l'expression « avoir des papillons dans l'estomac » est remplacée par « avoir des ptérodactyles dans l'estomac ». Une envolée de ptérodactyles est disponible sur toutes les plateformes numériques. Vous êtes artiste et vous cherchez un nouveau défi? CKRL vous invite au concours Talent en scène à la Korigane. Comment peut-on orienter ses forces? Musique, chant, poésie, slam, humour... Soyez l'un des 26 artistes participants. On plonge dans la création continue de notre propre existence. Vous pourriez gagner un spectacle avec cachet dans la programmation 2020 de la Korigane, une campagne publicitaire de 1 000 $ à CKRL, une session live enregistrée, une séance photo professionnelle et même 500 $ échangeables en temps de studio d'enregistrement. Et ça, c'est quand même assez magnifique. Inscription en tout temps sur ckrl.qc.ca. C'est exactement ça. So sleep tight and dream. Of me around. c'était les Russes de I Am The Morning qui ont très bien fait, je pense, avec leur album The Bell là, qui figure très bien un peu partout là, dans les palmarès. On a entendu la pièce Freak Show. Et juste avant, c'était Professeur Tip Top, un extrait de Life Is No Matter. On a entendu Lullaby for Grown Ups. Et ben, Professeur Tip Top sera également du Festival Terra Incognita cette année. Moi, j'ai bien hâte d'entendre ça parce que c'est assez varié. Ça va du Pink Floyd là, ouais, au Curse Pink, à toutes sortes de choses. Ils ont le style à eux autres. Moi, j'ai bien hâte d'entendre ça. Ça risque d'être très intéressant. Eh bien, le temps qu'on écoutait de la musique, Perry, tu as eu le temps de faire le tour un petit peu du festival. Tu cherchais, oui, des choses. C'est ça, oui, j'ai ça pas loin de moi. Ceux qui vont, oui, vous accompagner. Oui, c'est l'autre spectacle en Pologne. C'est OK Andalusia. Ah! C'est pas une destination qu'on connaît. C'est, moi puis Simon, on dit tout le temps Piekari, mais Piekari, en fait, c'est le venue, je pense. C'est l'endroit où, ouais, c'est l'endroit où la salle. Joue, c'est ça. Mm-hmm. Mais c'est, ouais, OK Andalusia. Ouais. C'est peut-être un petit village. Et on jasait aussi que le disque va sortir en vinyle. Ouais, il va sortir en vinyle. C'est la première fois qu'on sort un vinyle. C'est en Pologne qu'ils vont printer le vinyle. Fait que rendu là-bas, on va avoir accès au vinyle puis les ventes. Puis on va en ramener aussi pour le Québec. Je sais que... On va en ramener deux pour le Québec. Ah, mais... Je sais pas si vous savez, mais il y a beaucoup d'amateurs de vinyle au Québec. Hein? Oui, mais peut-être pas de Red Sand, on verra. Ah, ben non, il y a quand même toujours un public. Et c'est un sujet d'actualité, mais puisqu'on parle de voyage, il n'est pas trop question de coronavirus là, qu'on entend parler beaucoup. Moi, ça me dérange tellement pas. Tu sais, il y a 3% de décès de coronavirus, puis il y en a 5 pour une grippe normale. Fait, je vois pas le... Je sais pas. Donc, ça vous stresse pas trop? Non. Pas je pense qu'on non, je pense qu'on y pense même pas parce qu'on se prépare pour la tournée. Puis, moi, je me dis, tu sais, il y a du monde qui m'en parle aussi. Puis, je me dis, ben, si c'est une crise mondiale, c'est hors de notre contrôle. Ouais, là, c'est si ça. Si ça arriverait, là. Mais, autre que ça, je pense qu'on focus beaucoup sur la tournée. Puis, ouais. On pense même pas à ça. Oui, je pense que c'est une bonne idée de rester focus. Et, moi, je pense qu'il y a beaucoup de propagande là-dedans, un peu comme le SRAS à un moment donné, ça virait fou avec ça. Il fallait préparer nos linceuls, puis tout. Là. C'est à un moment donné, là, je sais pas trop. C'est la folie des médias, là, en tout cas. Évidemment, ça fait beaucoup de nouveautés, mais est-ce que vous avez des projets spéciaux pour promouvoir ce nouveau disque-là, en plus de la tournée aux États-Unis? Oui, ben oui, il y a un DVD qui va sortir en même temps, le 26. DVD-là... C'est le spectacle qu'on a fait au 5 octobre avec des projets à la salle Sylvain Lelièvre. Ouais. Ah, ouais. OK. Donc, c'est ça qui va sortir sur DVD. Oui, il est prêt. Tout est prêt. Il reste qu'à partir avec. Mais c'est ça. On va amener ça là-bas, puis on fait la promotion. OK. Donc, vous serez en concert le 15 du mois de mars. 15 mars à l'Antibar. À l'Antibar. Oui. Et le CD sera disponible le 26. Oui. Donc, on va écouter un extrait de Forsaken, qui n'a même pas un an encore, puis non, qui va déjà un autre, et qui va déjà passer au deux, en second rôle, non, c'est sûr. Donc, on va entendre Forsaken, ça va être la pièce Afraid of Tear, extrait de Forsaken. Wake up and see the snow in the sky. Welcome and have fun. That heals my soul. Afraid to break the chains. Afraid to see the sky.

Afraid of Tears, extrait de Forsaken de Red Sand. Et Perry, qu'est-ce que tu penses de la batterie? De Red Sand? Sur cette pièce-là? Ah, c'est excellent. C'est pas moi qui joue là-dessus, par exemple. Oui, je sais. C'est pour ça que je te pose la question. Ah, mais c'est excellent. Ben oui, c'est très, très bon. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup aimé le son des claviers. Là. C'est toi, je pense, qui a joué avec clavier. Ben, ma fille a fait 99% des claviers. Ah. J'en ai fait une petite partie. Puis le solo à la fin, c'est Stéphane Desbiens. Puis sur le prochain album, c'est tout moi qui a fait les claviers, la basse et la guitare. Ouais. Ouais. Ouais, tu m'avais dit que tu aimais bien ça, jouer de la basse là-dessus. Ah, oui, j'aime ça. À un moment donné, c'est la basse. Ah, j'aime bien ça. Il est bon, la basse. T'es pas mauvais à guitare, fait que... Ouais, mais j'aime bien la basse aussi, j'aime bien ça. Ouais. C'est la première fois que je faisais une expérience avec 1759, puis j'ai aimé ça. Fait que je continue. Ben oui, c'est ce que tu me disais l'an dernier. Ben, on va vous souhaiter bonne chance pour votre tournée en Europe. Merci. Mais d'après ce que j'ai pu comprendre, la chance, vous l'avez déjà faite, puis ça devrait bien se passer. Oui, vous êtes attendu? Oui, on est attendu, puis on a bien hâte à ça. Puis vous avez de l'expérience, donc on souhaite en fait une longue vie à ce nouvel album et à tout ce qui va avec, le DVD. Oui, merci beaucoup, Jean-François, c'est bien gentil. Puis le 15 mars, ben oubliez-nous pas à Québec. Avant de partir, ce serait le fun d'avoir une belle salle chaleureuse qui sont fiers à des bandes québécois qui s'en vont performer à l'extérieur. Fait que ça serait le fun d'avoir des gens du Québec. Tantôt, je vous narguais un peu, là, c'est pour le fun, là, mais j'aimerais se voir à Québec, là, venez nous encourager, ce serait plaisant. Ouais. Ben oui. Et ben merci d'avoir été là, Perry et Simon. Merci à toi aussi. Merci. CKRL. Dans la vie, je suis un créateur de son. Un artisan de l'archet, un as de l'inspiration et le roi de la double croche. Je mobilise, j'écoute, je pratique, j'interprète les plus grands compositeurs et j'apprends des meilleurs professeurs. Le Conservatoire de musique, une formation de qualité supérieure, un encadrement rigoureux, un enseignement maître-élève et une dynamique culturelle vivante. Fais de ton instrument ta passion et de ta passion ton avenir. Le Conservatoire de musique, admission jusqu'au 15 mars. Viens faire ton conservatoire. Vous avez besoin d'une vidéo. Hugo Dufour Productions peut vous aider à atteindre vos objectifs, que vous soyez une entreprise ou un créateur. Hugo Dufour Productions filme, monte, mixe et planifie une stratégie de diffusion avec vous, selon vos besoins et surtout votre budget. Vous ne savez pas par où commencer? Faites confiance à Hugo Dufour Productions, vidéaste officiel de CKRL, qui vous guidera étape par étape. Rendez-vous sur hugodufour.com pour discuter de votre projet avec lui. CKRL, de la radio en tout genre, du lundi au vendredi. La vie en BD, c'est votre magazine dédié à la bande dessinée et à l'univers du dessin sous toutes ses formes. Illustrations jeunesse, cinéma d'animation et plus. En compagnie d'une équipe passionnée, au gré d'entrevues et de rencontres, de critiques et d'échanges, plongez dans cet univers de cases, planches et bulles. CKRL. Communication. Culture. Thank you. beast pushed us so far to the other side of the world. No one will ever come trying to save me. My life will end here. majesty worthy of a great king's splendor, a nobility inside a palace that seems to come from a fairy tale. Struggle still for the thickness of the beams. This is the report. Ships to Lilliput. people full of many oddities, of a crown, of a kingdom, and of a king. Et c'était Marco Bernard et Kimo Porsti. Leur projet s'appelle Gulliver. Et c'est deux personnes de Samurai of Prog. Là. Je ne sais pas juste pourquoi c'est pas sorti sous le nom de Samurai of Prog. Là. On le voit un petit peu écrit en dessous. Là. Faut... Mais c'est le même genre de pochette. Là. C'est présenté de la même façon. Et ben c'était la suite, Lilliput suite, et c'est une pièce de 17 minutes 53. Ben moi, je trouve ça très bon. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est tout nouveau pour nous, on vient d'avoir ça. C'est tout nouveau à mon oreille, là. Non, tu l'as entendu une fois au moins. Oh, au moins une fois. Ouais. Et, étant donné que tu mets tout sur les clés USB, je peux pas voir les pochettes. Eh bien, dans le bloc d'avant, c'est parce qu'on est un nouveau progressiste, le Progressiste 99, et on a entendu des excès comme I Am the Morning, ça vient du disque compilation. Et il y en aura d'autres aussi qui vont suivre. Mais pour l'instant, on va parler concert. Oui. On va parler du festival. Oui, là, on va avoir la liste complète. Oui. Fait que le festival, c'est le 15, 16 et 17 mai. Le vendredi, c'est 35 Tapes avec Anecdoten. Le samedi, Is Project, Citonia d'Historia, Professeur Tip Top et Anecdoten. Le dimanche, Is Project, Ed with Win. Une tête avec des ailes. Une tête avec des ailes. Ouais, ça aurait été plus facile pour moi. Oui. Et le groupe de Francesca Zenetta, que je ne suis pas capable de le prononcer. Et pour terminer le festival, c'est la Machera di Sera. Et en espérant que le festival ne sera pas affecté par le coronavirus. Quatre groupes italiens. Oh, c'est loin, ça. C'est loin. Ben, c'est pas si loin que ça, le festival. Oui, mais ça va être réglé d'ici ce temps-là. Bon. Tu continues? Ben oui, vas-y. Bon, le 15 mars, ben, comme on l'a mentionné tout à l'heure, c'est Redsen à l'Antibar. Le 21 mars, au Théâtre de la Cité universitaire, Proxtoré. Le 26 mars, au Dauteuil, c'est le lancement du troisième album de Inner Odyssey qui sort officiellement demain. Le 3 avril, à l'Auditorium des Jardins à la Polyvalente de Charlebourg, c'est The Flower King. Le 10 et 11 avril, au Palais Montcalm, à la salle Rouge-Jobin, c'est Stickman, c'est complet. Le 9 mai, au Théâtre de la Cité universitaire, c'est Pendragon. Le 13 mai, au même endroit, Big Big Train, et en première partie, c'est Ease. Et comme ça a été annoncé cette semaine au Festival d'été, il y a King Crimson Saga. Bonne chance pour ceux-là qui vont aller au festival, s'ils vont écouter quelque chose. Et le 21 juillet, c'est Roger Waters au Centre Vidéotron. Bien, on va poursuivre en musique avec un autre extrait du CD sampler du Progressiste numéro 99. C'est bien, mon disque de l'année 2019. Moi, c'est Essai Urbain avec Peter Hamill. On va en entendre un extrait. C'est un très bon disque qui s'appelle In Amazonia. Et d'ailleurs, on le voit là, dans différentes compilations. La pièce qu'on va entendre, c'est Better You Know It. Thank you. You're learning not to shoot from the hip. Concerned that interlopers might read your lips. You're learning there are pages missing. Le Radioton de CKRL, c'est le 27, 28 et 29 mars prochain. L'objectif est de 47 000 $. Soyez solidaires en contribuant financièrement au développement de votre radio communautaire. Faites un don de 20 $ et plus avant le 27 mars 17 h et courez la chance de gagner le prix spécial don pré-Radioton, offert par le Lopin de Terre, soit un panier de légumes frais à chaque semaine pendant 16 semaines, de juin à octobre, d'une valeur de 400 $. Vous voulez faire un don? Allez sur ckrl.qc.ca ou au 88-640-2575, poste 201, ou encore passez à la station au 405 3e avenue Limoilou. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. CKRL vous propose une série d'émissions sur des sujets variés, animés par des spécialistes et des passionnés. Jean Nadeau nous convie au développement personnel, à l'amélioration et à la connaissance de soi. Pas de temps à perdre, le mercredi, 9h. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Édition Continuité, Spira, Épilepsie Section de Québec, Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Québec, La Boussole. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Show. face to my wear and tear. My lungs are black from the polluted air. It was like the summer of my discontent. Whatever happiness I've had came and went. Like I'm living in an iron lung. I no longer move and I can't see the sun. I watch each day come and go. All emptiness with nothing to show. C'est un gars qui s'appelle Kevin Gagliepi. C'est un drôle de nom. On ne sait pas trop d'où ce qui vient, ce monsieur-là, parce que j'ai fait des petites recherches. Là. Je pense que ça va en demander un peu plus. Son album s'appelle Raw Pedal Power. On a entendu la pièce Iron Lung. Et on avait terminé avec Isidore Urbain et Peter Emile, un extrait de In Amazonia, Better You Know It. Et ça, c'est sur le CD sampler du Progressis numéro 99. Et bientôt numéro 100 pour Progressis. Donc, ce sera pour le prochain. Et, une petite annonce. Là, moi, j'ai déjà parlé de l'émission Prog Cité, qui est animée par des collègues de la Belgique. Et ils ont fait une émission la semaine dernière qui est disponible en podcast. C'est sur Christian Descamps, qui a écrit un livre. En fait, il est collaborateur avec Jean-Noël Cogué, si je prononce bien son nom. Et le livre s'appelle « Toute une vidange ». C'est, c'est un jeu de mots qui est assez amusant sur le groupe Ange. Ben oui. Et le podcast est disponible sur www.rqc.be. Il y a toute l'adresse complète, là, mais on peut aller dans podcast et c'est l'émission du 22 février. Donc, rqc.be. Et c'est dans la section podcast de Prog Cité. Mais on le voit très bien, juste à retenir là, rqc.be et vous m'en donnerez des nouvelles. Ben pour ce qui est de la suite, ben on va entendre un extrait de un autre extrait, en fait, du Progressis numéro 99. Et le groupe, c'est un petit peu bizarre, là, ça s'appelle Monomythe. Et celui qui fait la description de cet album-là, ben, compare ça un petit peu à Idria Space Folk. Un petit peu plus loin, là, il parle de Tangerine Dream, Hawkwind. Moi, je l'ai écouté un peu parce qu'on vient de l'avoir, là, j'en parlerai plus longuement dans la prochaine émission, là, mais moi je trouve ça un peu plus sombre, là, mais je dirais que ça se rapproche peut-être un petit peu plus de Hawkwind. Mais lui, il parle des pièces en particulier, donc on pourrait se faire une idée avec une pièce qui s'appelle Aquito, c'est sur Orbis Quadratis. Et ben on y va en musique pour l'instant. Thank you. C'était Mariana Semkina. Et avec un nom comme ça, vous demandez qui est cette dame. Mais c'est la chanteuse de I Am The Morning. Donc on peut dire que c'est un groupe qui est assez actif parce qu'il y a eu de belles de I Am The Morning dont on a entendu un extrait tantôt. Mais il y a Greg Colladine qui a sorti son album lui aussi qui a été encensé. Et là, ben, c'est au tour de Mariana Semkina qui vient de sortir. En fait, c'est le 14 février, donc ça fait pas longtemps, deux semaines. Et il y a du beau monde là-dessus. Il y a Jordan Rudess, Craig Blundell et Nick Begg. Oh! Hein, ça fait on ne peut pas dire qu'elle l'a fait toute seule, son album. Mais on ne peut pas dire qu'il y a la frappe à part sur cette pièce. Cette pièce-là et peut-être quelques autres. Là. Craig Blundell, on l'a vu, c'est l'année passée avec Frost. Hein? Oui, le batteur. Il joue fort. Oui, mais... ben, il est rendu avec Steve Hackett. Oui, il a fait la tournée avec Steve Hackett. Mais c'est un batteur qui est assez versatile, qui est capable de faire un peu n'importe quoi. Et juste avant ça, c'était Monomythe de l'album Orbis Quadrantis, on a entendu Aquilo, et ça aussi, ça venait du CD sampler de Prog Resis numéro 99. Et ben, je voudrais saluer un inconnu qui est passé devant la station tantôt. Et c'est Bruno qui me disait, il était dehors, puis il a entendu ça, il écoutait CKRL. Ben, on va en profiter pour saluer cet auditeur là, qui avait l'air à beaucoup apprécier notre musique. Et ben, on va continuer avec King Crimson, parce que c'est déjà presque tout en ce qui nous concerne, mais King Crimson qui vient de sortir un gros disque, un gros album là, de 5 disques qui s'appelle Audio Diary. Et ça comprend des extraits de concerts de 2014 à 2018. Et il y a un album, en fait, un disque là, pour chacune de ces années-là. Et ben, l'extrait que j'ai choisi, c'est Heroes, une pièce de David Bowie que King Crimson reprenait là, dans certains de leurs concerts. Et bien, King Crimson, qui seront dans nos murs, ben en fait... au festival d'été. En fait, il n'y aura pas de mur. Non, il n'y aura pas de mur. Ça va être en plein air. Puis... air ouverte. Oui. Donc, on y va en musique avec King Crimson. Et bien, restez là parce que... Vincent sera là pour l'autoroute. Il est déjà arrivé, puis il y a toute une banque là, de disques là, pour vous faire passer la nuit. Donc, on se quitte avec King Crimson. Cette émission est disponible en balado-diffusion. CKRL 89.1, Québec. Tell me say one thing Nancy can't understand. One thing Nancy can't understand. One thing they might talk about me ambition. Say one thing they might talk about me ambition. Come and say some of them ask me where me get it from. Tell some of them ask me. Le Radioton de CKRL, c'est le 27, 28 et 29 mars prochain. L'objectif est de 47 000 $. Soyez solidaires en contribuant financièrement au développement de votre radio communautaire. Devenez membre avant le 27 mars 17 h et courez la chance de gagner le prix spécial membre de CKRL, d'une valeur de 150 $ offert par la boutique Le Pédalier. Vous voulez devenir membre? Allez sur ckrl.qc.ca ou au 418-640-2575 poste 201 ou encore passez à la station au 405 3e avenue Limoilou. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Quel match! Quel match! Vous voulez tout savoir sur les Remparts, le Rouge et Or, les Capitales, le sport scolaire et professionnel. Première loge du sport est votre rendez-vous sportif au 89 ans. Au menu, résultats, analyses et entrevues. Ici Dominique Girard, en compagnie de mes différents chroniqueurs, je vous donne rendez-vous chaque mardi dès 15h30, Première loge du sport. Cette émission vous est présentée par Alimentex, épicerie certifiée biologique avec produits de santé naturelle à Québec. 1188 1ère avenue Limoilou, 418-529-7988. Alimentex.ca. Cette année, on fête la Saint-Patrick à la brasserie artisanale La Korrigan. Musique irlandaise, promo sur la bière et sur le whisky, casque spécial, ambiance festive et plusieurs prix à gagner. Tout ça au 380 rue Dorchester. Le 14 mars dès 17h, on t'attend. Le district Saint-Joseph se charge d'éveiller vos sens. Musique live, bonne bouffe, délicieux cocktails et surtout, un décor époustouflant. Digne des plus beaux bars de Berlin et San Francisco, on voyage en plein cœur de Saint-Roch. Boire, manger et découvrir. Ça se passe au district Saint-Joseph. Pour la semaine de relâche, les cinémas Le Clap de Place Sainte-Foy et de Loretteville vous présentent cette programmation spéciale. Gros plan sur Rodeo FX, L'Homme invisible, Louis et Lucas, Le voyage dans la lune, Ma famille et le loup, Ma folle semaine avec Tess, Le monde magique de Salma, Les mutants, Programme Gunpowder, Programme Kino Québec, Programme Zébulon le dragon, Terra Weedy, Planète inconnue, Un conte peut en cacher un autre, Une grande fille et Zou. Rendez-vous sur leclap.ca pour consulter la programmation et plus encore. Bon cinéma!